femmes sont bitches dans le bloc. Belgium, vite marqué, oui, mof. Merde, bitch, gueule pas top. J'fais que du sale sur Periscope. Côté l'ours noir sans les notes. J'la baisse dans le cul, j'paye pas la dot. Dans mes poteries, j'fume de la drogue. John Rick sous protoxyde azote. Mon mec majeur dans sa techa, c'est la noyade. J'suis suspecté comme si j'venais de sortir chez Jawad. J'n'ai pas le temps pour les joints. Sauf si j'les fasse gratuitement. Négro allume un joint. On ne fume pas de club dans l'appartement. Toujours caleçon à l'air. Mon bas-fesse est impeccable. J'te prends que par derrière. Comme passagère sur ma bécane. J'mettrai tout sur les réseaux. Oui, oui, ta chatte sera ruinée. J'vais te ramener au monde entier grillé. J'vais te faire genre rire. J'respecte Beret et Imam. Jugement de vautour, j'laisse à Dieu. Négro, j'suis Morgan Freeman. Depuis toujours, j'suis ton vieux. Nique des chats et des vétérinaires sur le pont d'Avignon. T'es parti trop tôt comme Hitler a dit le nazi. Ménagère, je nettoie au bloc. Batterie faible, recharge le stock. Dans la clique, y'a que des locks armés dans le clip comme Roi Enoch. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. Ménagère, je nettoie au bloc. Batterie faible, recharge le stock. Dans la clique, y'a que des locks armés dans le clip comme Roi Enoch. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope. J'fais que du sale sur Periscope.